Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la famine de 1984 en Éthiopie. Il est 6 heures du matin à Bati et c'est comme ça tous les jours, à tous les matins. Une mère vient de découvrir que son enfant est mort durant la nuit. Il y en a combien comme ça dans le camp où il y a à peu près 20-25 000 personnes? On ne sait pas vraiment. C'est comme ça tous les matins à Bati, c'est comme ça tous les matins à Korem. Et ça risque d'être comme ça durant des mois. Les images qui nous parviendront d'Éthiopie dès l'automne de 1984 nous choqueront, nous émouveront profondément également. Gilles Courtemanche, que l'on vient d'entendre, sera l'un des journalistes à décrire l'horreur de cette famine au petit écran. Et l'enfer au milieu duquel il se retrouvera en Éthiopie va le pousser à écrire le texte de la chanson « Les yeux de la faim » pour venir en aide justement aux victimes de cette famine. Car c'est aussi ça, la famine éthiopienne de 1984, la première crise humanitaire à provoquer l'engagement de célébrités du monde entier. Tous les matins à Bati, quand la brume se lève et que le froid vous transperce, il y a un enfant qui cherche son père ou sa mère. Il y a 3 semaines, ils étaient 250 seulement. Aujourd'hui, ils sont 30 000. 15 000 ont moins de 15 ans. Ils dorment à même le sol par une température de 0. Le jour, ils sont brûlés par le soleil. Les gens qui sont allés à Bati disent « J'ai vu l'enfer ». Bien sûr, il y a la vie au milieu de cet enfer. Des familles entières seront sauvées parce qu'elles auront réussi à marcher 25 ou 50 kilomètres jusqu'à ce camp où il y a quand même de la nourriture. Une nourriture réduite au strict minimum. Dans ce pays où il n'y a pas eu de pluie depuis 5 ans, le strict minimum, c'est la différence entre la vie et la mort. Tous les matins de Bati sont semblables. De tous les coins du camp, on apporte à la morgue les morts de la dernière nuit. Ce matin, c'est Issa Sour qui est arrivée la première. Elle avait 8 ans. Puis, 30 secondes plus tard, ce fut Toruman, un petit garçon de 7 ans. Juste derrière, enveloppé dans la dernière peau de chèvre de la famille, Assa, 3 ans. Elle avait fait 75 kilomètres avec sa famille pour venir mourir à Bati. La tragédie humaine de cette famine de 1984 en Éthiopie, racontée par le journaliste Gilles Courtemanche. Karine Prémont, politologue à l'Université de Sherbrooke, collaboratrice régulière d'Aujourd'hui l'Histoire. Karine, cette famine de 84, évidemment, c'est pas la première famine à laquelle on assiste, mais le contexte est très particulier, le contexte dans lequel surgit cette famine. Oui, parce que dans les années 80, en particulier au début des années 80, c'est la naissance des chaînes d'information en continu. Alors, il faut nourrir la bête et à ce moment-là, ce qu'on découvre, c'est le monde. Parce qu'on se rend compte que une façon intéressante et intelligente de remplir le temps d'antenne qu'on a à notre disposition, c'est de s'intéresser au monde, c'est de couvrir les affaires internationales. Mmh. Et c'est par ce biais-là que les Occidentaux vont découvrir d'une certaine façon le continent africain de façon très stéréotypée, bien évidemment, c'est-à-dire par les crises, par les conflits, par les catastrophes, comme la famine qui frappe l'Éthiopie au milieu des années 80. Et quand, pour ce qui est de la famine d'Éthiopie, quand est-ce qu'on en prend conscience? Ça commence pour nous, téléspectateurs occidentaux, ça commence quand, cette famine de l'Éthiopie? Cette famine commence pour les téléspectateurs occidentaux en octobre 1984. C'est un journaliste de la BBC, Michael Burke, qui va révéler cette famine-là au reste du monde. Il est stationné dans la région, il couvre cette famine-là en disant « c'est une famine biblique, c'est le plus proche de ce qu'on peut voir ». De ce qui représente l'enfer sur Terre, autrement dit, il s'est sans commune mesure avec ce qu'on a déjà vu. En termes de chiffres, si on veut être un peu froid, c'est une famine qui équivaut à d'autres famines qui se sont produites auparavant, notamment celle au Biafra, celle au Bangladesh. Donc, 1 million de morts en bout de ligne. Mais effectivement, c'est énorme. Mais la télévision va avoir cet impact-là, ouais. va rendre la famine plus réelle, va nous donner un peu plus de substance qu'une simple colonne de chiffres. Ouais. Comme on avait l'habitude d'avoir. Donc, Michael Burke, la BBC, qui est le premier à pointer du doigt cette oui. famine. Et puis, il y a ce phénomène, ça vaut la peine qu'on en parle, parce que plus tard, évidemment, Gilles Courtemanche, qu'on entendait, se rendra en Éthiopie, les médias du monde entier s'y rendront. Mais il y a d'abord un homme, un caméraman, le Kenyan Mohamed Amin, qui est là. Mm-hmm. Les premières images, Karine Prémont, qui vont être diffusées partout dans le mm-hmm. monde, sont les images de cet homme-là. Exactement. Pendant plusieurs semaines, il va être le seul à produire des images. Et ensuite, vous l'avez dit, là, on va réappliquer de partout pour couvrir cette famine-là. Et cette couverture extraordinaire de la famine va déclencher, cette opération caritative va déclencher, en fait, l'émotion partout dans le monde et va permettre d'essayer de trouver des solutions, en tout cas, pour mettre fin à la souffrance de ces gens. On écoute un reportage, justement, de Gilles Sirois, assez rapidement après le premier reportage de Michael Burke. On est en décembre 84, parce qu'effectivement, l'attention médiatique, elle est là, et ça donne tout un mouvement, le milieu civil, communautaire, les caisses populaires s'organisent pour ramasser des fonds. Dans cette caisse populaire du centre-ville de Montréal, aujourd'hui, les dons pour l'Éthiopie ont continué d'affluer. C'est ça? Vous avez laissé $6. Hier soir, le fonds Éthiopie-Afrique avait recueilli 2,5 millions de dollars en 15 jours de campagne. On croit avoir pu dépasser les 3 millions de dollars aujourd'hui. Et comme le gouvernement québécois a promis de doubler cette somme, c'est au moins 6 millions de dollars qui devaient être ramassés dans cette campagne. Le directeur de l'organisme catholique Développement et Paix, M. Jacques Champagne, arrive tout juste d'un voyage de 10 jours en Éthiopie et au Soudan. On nous a affirmé qu'il y a eu des problèmes à un moment donné, mais que depuis un mois maintenant, l'aide est bien distribuée. Mais dit-il, le flot d'aide doit continuer pour nourrir les affamés, mais aussi préparer le long terme. En leur fournissant des semences, en leur fournissant des animaux pour reconstituer le cheptel et aussi des animaux de trait pour travailler sur la terre, en leur fournissant des moyens de creuser certains puits, de sorte que petit à petit, ça va se reconstruire. Petit à petit, ça va se reconstruire, nous dit cet intervenant. Ça va être long, évidemment. D'ailleurs, la famine, nous, on en prend conscience en 84, Karine Prémont, mais ça fait déjà un bout de temps que ça dure en Éthiopie. Oui, parce que cette famine-là, en fait, c'est deux famines différentes qui vont prendre des proportions et n'en constituer peut-être qu'une seule, si on peut dire, c'est-à-dire une famine au sud déjà et celle au nord, la plus importante, celle qu'on va couvrir davantage. Et s'il y a 1 million de personnes qui sont mortes, il y a 8 millions d'autres personnes qui sont menacées à court et moyen terme de cette sécheresse, de cette famine. Et puis donc, mobilisation, on l'a entendu, ça va très très vite là, pour à l'échelle québécoise, en quelques jours, 3 millions doublés par le gouvernement du Québec. Les gens sont généreux. Et puis, il y a tout à coup, et ça c'est la première fois que ça arrive, des artistes dans une crise humanitaire, des artistes qui décident partout dans le monde de se mobiliser, et ça va donner ceci. There comes a time when we heed a certain call. When the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. Beyond the world, beyond the children, beyond the ones who make a brighter day. So let's start giving. Le 5 avril 1985, des radios, 8000 radios du monde entier diffusent simultanément la chanson « We are the world ». La chanson tourne déjà depuis quelques semaines. Et l'impact de cette chanson, Karine Prémont, il est gigantesque. Gigantesque, c'est du jamais vu. On va très rapidement, avec cette chanson-là, ramasser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. On parle d'à peu près 20 millions en dollars d'aujourd'hui, là, en quelques semaines. Il y aura aussi tous les produits dérivés. C'est un succès extraordinaire. Et non seulement on ramasse des sous, mais on va déclencher une réaction en chaîne partout dans le monde, en fait, et on va retrouver d'autres groupes d'artistes dans le monde qui vont essayer de contribuer à leur façon. Et ça aussi, ça va sensibiliser les gens. Et ça va va permettre de ramasser des dons de façon extraordinaire. Parce que We Are the World, évidemment, c'est la plus connue des chansons qui seront enregistrées pour venir en aide aux victimes de l'Éthiopie, mais il y en aura beaucoup. La première, c'est celle de, un peu plus tôt, c'est celle de Bob Geldof. Oui, Do They Know It's Christmas. On l'entend encore aujourd'hui, cette chanson-là. Et c'est surtout le concert du Live Aid en juillet 1985. Et ça, c'est un très gros événement. Organisé par Geldof, qui permet aussi de rassembler les plus grandes vedettes britanniques. Et ensuite, comme je le disais, réaction en chaîne, We Are the World. On va le faire aussi au Québec, on va le faire aussi au Canada. Vous avez parlé des Yeux de la faim au Québec. Texte écrit par Gilles Courtemanche, justement. Et au Canada, ce sera la chanson Tears Are Not Enough. Donc, tout ça va contribuer à sensibiliser les gens. Et toutes ces activités-là vont permettre de ramasser près de 150 millions de dollars, encore une fois, en quelques mois. Et aussi, des centaines de milliers de tonnes de denrées alimentaires qu'on pourra distribuer en Afrique. Donc, ça marche. Les gens sont généreux, répondent en grand nombre à ces nombreuses campagnes d'aide. Mais sur le terrain, l'aide va tarder à venir. C'est beaucoup plus compliqué sur le terrain. Extrait d'un reportage à ce sujet-là d'Hervé Brusigny en février 1985, reportage diffusé à Antenne 2. Finalement, les sacs sont arrivés à Korem, un camp de 20 000 personnes. Cela espère bientôt manger. Les pays donnent rarement de la farine. C'est pourtant ce qu'il faudrait à la fois pour des raisons médicales, pour les enfants, mais aussi parce qu'ici, les gens sont habitués à manger de larges galettes. Lorsque nous avons visité Korem, depuis 15 jours, aucune distribution générale de nourriture n'avait eu lieu. Quand un pays étranger décide de donner des céréales à l'Éthiopie, de cette décision à la distribution elle-même, il s'est écoulé entre 6 et 8 mois. C'est très, très lent, donc c'est très compliqué sur le terrain. L'aide arrive, mais il y a un délai. On vient d'en parler dans le reportage qu'on entendait, Karine Prémont. Et puis, il y a une situation de guerre dans ce pays. Les médias n'en parleront pas beaucoup, d'ailleurs. Puis on y reviendra dans un instant. Mais ce qui fait que c'est compliqué, c'est que l'Éthiopie est en guerre. Exactement. Et effectivement, donc, famine jumelée à un conflit armé. Voilà. Et cette famine-là, en fait, va être exacerbée par les conditions de guerre. Parce que, bien sûr, il y a manque de précipitations, bien sûr, il y a sécheresse, mais c'est le contexte de conflit armé qui va rendre la situation intenable pour les gens. Parce qu'il faut retourner un petit peu en arrière. Il faut se rappeler que l'Éthiopie était gouvernée par un régime monarchique, le régime de Selassie. Et en 1974, ce régime sera renversé par le gouvernement militaire provisoire de l'Éthiopie socialiste, le Derg. Et à partir de ce moment-là, ce nouveau gouvernement va réprimer assez fortement ses opposants. Et lorsque la sécheresse va prendre des proportions au début des années 80, vont éclater simultanément deux conflits entre ce nouveau gouvernement militaire et le Front de libération d'Oromo, justement au sud, ce nouveau gouvernement et le Front de libération des peuples du Tigré au nord. Oui. Donc, ces conflits-là... deux conflits. Qui sont liés à ces deux conflits-là, autrement dit. Et ce qu'on remarque, c'est que c'est le gouvernement militaire provisoire qui va accentuer la situation sur le terrain, qui va l'aggraver, en fait, parce que pour punir ces groupes de rebelles, on va se dire, on va leur couper les vivres. Alors, on va d'abord bombarder les marchés publics. Donc, ça peut avoir un impact sur l'approvisionnement en nourriture. On va restreindre l'accès à l'eau des civils ou des villages dans lesquels on soupçonne les rebelles de se cacher ou à partir desquels ils opèrent. On va aussi détourner la nourriture qui vont dans ces villes, dans ces régions-là, pour nourrir les soldats du gouvernement de façon à ce qu'ils luttent plus efficacement contre les groupes de rebelles. Alors, ce qui va encore une fois aggraver la situation, c'est que non seulement on va faire tout ça du côté du gouvernement, mais le gouvernement va aussi relocaliser à peu près 1 million de personnes. Donc du sud, on va les envoyer du nord, on va les envoyer au sud, pardon. On va créer des espèces de villages avec des points d'eau, des points de rassemblement, mais en réalité, ce sont des camps. Ce sont des endroits où on peut contrôler d'une certaine façon les populations civiles, éviter justement que les rebelles viennent s'y approvisionner, qu'ils soient protégés par la population. Alors on isole, autrement dit, les rebelles dans ces régions-là. Et en même temps, c'est très pratique pour cacher les problèmes. C'est très pratique pour cacher la situation. Nombreux journalistes qui arrivent de plus en plus pour filmer la situation. D'ailleurs, ils vont s'en moquer. Ils vont le dire. Les forces gouvernementales le diront. C'était assez facile de berner les journalistes. Mais on y reviendra dans un instant. Mais juste un élément supplémentaire. L'aide rentre. Parce que les campagnes, là, du côté occidental, là, les chansons existent. Les gens donnent de l'argent. Tout à fait. De la nourriture aussi est acheminée. Mm-hmm. Mais ces gens-là ne se priveront pas. Probablement des deux côtés. autorités d'ailleurs rebelles comme gouvernement, oui, de détourner à la fois l'argent et l'aide alimentaire. Exactement. Le gouvernement met surtout l'argent, met surtout la main sur les denrées, sur la nourriture, sur le matériel qu'on peut facilement confisquer. Les groupes rebelles, eux, vont surtout mettre la main sur l'argent. Mm-hmm. On calcule, là, plusieurs années après, on a fait une espèce de post-mortem de la situation humanitaire là-bas, et on calcule que 90% des fonds amassés ont été en fait utilisés par les groupes de rebelles pour acheter des armes, notamment pour se défendre. Mm. Alors, on calcule que ça a permis au conflit de durer encore au moins un an après le départ des caméras, là, donc en 85, parce qu'effectivement, on avait de l'argent à se mettre dans les poches pour acheter des armes, parce que justement, on pouvait prétendre à la protection du peuple, on pouvait prétendre parler au nom des citoyens, on pouvait facilement berner les humanitaires qui étaient là. Et les années 80, il faut se rappeler, ce n'est pas l'aide humanitaire telle qu'on la connaît aujourd'hui, on pourra y revenir. Mais donc, c'est une aide humanitaire un peu moins organisée. Ouais. Les gouvernements occidentaux sont pris par surprise également. Alors, tout est un peu déstructuré, tout est un peu difficile à organiser. Alors, c'est plus facile, effectivement, de berner à la fois les journalistes et les humanitaires. Et ils sont vraiment bernés, les journalistes, ou c'est une meilleure... C'est effrayant que je pose cette question-là, moi, mais c'est une meilleure histoire que celle qu'on montre à la télévision. Autrement dit, on ne sait vraiment pas pourquoi ce silence des médias sur ce contexte, parce que la guerre, elle est connue quand même. La guerre, elle est connue. Il y a deux éléments dans ce que vous venez de dire. Le premier élément, évidemment, quand on la plupart du temps, quand on couvre des famines, encore aujourd'hui d'ailleurs, quand on couvre des famines de cette ampleur-là, on a tendance à dépolitiser les conflits parce que c'est beaucoup plus facile d'expliquer ce qui se passe si on enlève les éléments politiques. C'est aussi beaucoup plus facile d'émouvoir les gens si on ne lie pas ce qui se passe à des causes humaines d'une certaine façon. C'est plus facile d'attirer la sympathie des gens, d'attirer les dons, d'attirer des téléspectateurs si on dit c'est effrayant ce qui se passe là, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de cause, sinon la nature. Ouais. Mais si on dit c'est un gouvernement qui réprime sa population, soudainement, ça devient un peu plus difficile. Parlez-en aux Syriens, par exemple. Alors, il y a plein d'exemples comme ça. Les gens se disent, il n'y a rien à faire, c'est un conflit. C'était au gouvernement à prendre. Voilà. Ouais. Alors, à ce moment-là, il y a cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect que des groupes humanitaires, par exemple Médecins sans frontières, va dénoncer très vivement ce qui se passe là, ne sera pas dupe des magouilles et du gouvernement et des groupes rebelles, mais va se faire expulser du pays. Alors, les groupes humanitaires vont dire, ben soit on se tait et on peut aider, ou soit on parle et on est expulsé. Alors, d'un côté, les journalistes qui veulent faire effectivement de la bonne télévision parce qu'ils ont la pression de leur patron. CNN, là, qui est né en 1980, en est à ses débuts. C'est pas encore la consécration de la guerre du Golfe. On est en plein milieu. Alors, si on veut que les téléspectateurs restent, il faut les intéresser, il faut leur raconter une histoire. Cette histoire-là doit être celle d'une catastrophe. Voilà, on revient à ce qu'on disait au départ, là, cette volonté de nourrir la bête, puis on n'est pas encore trop habitué, c'est nouveau, cette fameuse bête des médias d'information continue. Donc, allons-y pour l'émotion, ce qui fait que l'aspect politique, la guerre sera à peu près absent du petit écran. Il ne pleure plus, non plus de larmes, plus de sourires, juste des yeux. Ils n'ont plus que leurs yeux pour nous parler. Ils ne bougent plus, non plus de jeu, plus de rire, juste des yeux. Ils n'ont plus que leurs yeux pour nous parler. Les enfants qui nous... Avec le recul, Karine Prémont, que reste-t-il de cette famine de 84? Les chansons, bien sûr, celles qu'on vient d'entendre, Les yeux de la faim. Mais au-delà de ça, de quelle manière cette famine en Éthiopie en 84 va changer le cours, va être importante pour la suite des choses? Plusieurs éléments. Tout d'abord, je vous dirais, on peut mesurer peut-être pour la première fois ou une des premières fois le pouvoir de l'opinion publique. Le pouvoir de la télévision, peut-être davantage, qui est capable de parler directement à l'opinion publique et l'opinion publique, elle, qui réussit à contraindre, en fait, son gouvernement à ce moment-là d'agir. Parce qu'on sait que le gouvernement britannique savait déjà depuis quelques années qu'une famine menaçait la région, a préféré ne rien faire, mais c'est la pression de l'opinion public britannique qui va forcer finalement la main du gouvernement. Donc, on se rend compte que les rapports de force ont changé avec l'arrivée de la télévision. On se rend compte aussi que la famine de l'Éthiopie va établir les critères de sélection de la couverture médiatique des famines. Autrement dit, pour qu'une famine passe à la télévision, elle doit être au moins aussi dévastatrice que celle-là. Les images doivent être au moins aussi impitoyables que celle-là. À défaut de quoi, elles sont jugées comme étant peu importantes, peu graves. Ouais. Alors, cette famine-là va mettre la barre très haute, en fait, pour obtenir de l'attention par la suite sur le même genre de phénomène. L'aide humanitaire va changer. La façon dont l'aide humanitaire va travailler va changer. Elle va se professionnaliser. Parce que, je le disais, on n'est pas dans la même mouvance d'aide humanitaire dans les années 80 qu'aujourd'hui. Et cette crise-là va permettre aux humanitaires de réaliser que c'est bien gentil, les bonnes intentions, mais il faut travailler de façon coordonnée. Ouais. Il faut mieux gérer nos budgets. Il faut avoir de meilleurs contacts sur le terrain. Il faut avoir des experts. Il faut avoir des gens qui sont habitués de gérer des projets de cette ampleur-là pour maximiser l'aide qu'on peut apporter aux gens. Parce que c'est la catastrophe, là. Quand on y pense, les chiffres, on les a pas connus tout de suite. Mais écoutez, 90% de l'argent envoyé qui est détourné, c'est un échec total. C'est un échec total. Justement parce qu'on avait sous-estimé ce contexte de guerre, justement parce qu'on l'a écarté de l'équation en disant si on s'intéresse aux gens, ben on va réussir à faire quelque chose. Et là, on se rend compte que c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Il y a pas tant d'organisations humanitaires à l'époque qui sont organisées, qui sont professionnelles, et on va voir que c'est ce qui va permettre d'être plus efficace par la suite, de travailler plus efficacement par la suite. Il y a aussi l'ONU qui va jouer un rôle plus important parce que ça va permettre pour la première fois de mettre à l'agenda international les questions de malnutrition, les questions de pénurie alimentaire, par exemple. Auparavant, c'était, quand ça arrive, on en parle. Mais là, on va essayer d'élaborer des programmes pour régler à la source ces problèmes-là. Et ça, pendant plusieurs années, là, ça va être mis de l'avant par l'ONU. On va développer des programmes, des sections entières de l'ONU qui vont s'intéresser à ces questions-là pour éviter que de tels drames se reproduisent par la suite. Et ça va, dans le même sens, mettre sur pied des campagnes de financement permanentes pour l'Afrique. Mm-hmm. Alors qu'auparavant, on y allait selon les crises, on y allait de façon ponctuelle. On réalise à ce moment-là qu'on a besoin d'une opération d'envergure permanente pour l'Afrique. Et ça va donner des résultats, là, en bout de ligne, avec les objectifs du millénaire par la suite, là, sur une vingtaine d'années. On va voir, là, des signes encourageants sur cette question-là. Et aussi, ça va permettre ensuite aux célébrités qui le souhaitent de s'impliquer encore dans des affaires de cet ordre-là. Évidemment, est-ce que c'est une conséquence positive? C'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, parce que souvent on va juger les acteurs ou les actrices ou les chanteurs ou les chanteuses qui le font en disant que c'est pour leur carrière, en disant que on met surtout les projecteurs sur la personne plutôt que sur la cause, qu'une fois que la célébrité s'en va, les caméras s'en vont aussi. Alors, ça peut être à la fois positif et négatif, mais ça va permettre à tout le moins de rendre plus visibles des crises qui autrement nous auraient échappé. Ouais. Karine Prémont, c'était passionnant, politologue à l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Karine. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.